Donc je me présente très rapidement. Donc je suis Benoît Ponchon et je suis effectivement donc en charge de la gestion du port de commerce d'Arles, donc le port moderne. Donc bien évidemment, je remercie les organisateurs de cette table ronde, donc les comités scientifiques, d'avoir pensé à nous inviter ou à m'inviter pour présenter le port moderne. C'est toujours des opportunités qu'on a le plaisir de saisir, ne serait-ce que pour expliquer ce qu'on fait. C'est un combat de tous les jours. On est fiers de ce qu'on fait, on développe des solutions alternatives au transport routier, donc on a derrière ça des objectifs de développement économique, et ne serait-ce que pour convaincre les Arlésiens et leur présenter cette activité qui est vraiment à deux pas de la ville, qui est trop peu connue, ces occasions-là sont trop bonnes à saisir. Voilà. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça ou il faut que je rapproche le micro ? Je vais le rapprocher un peu. Voilà. Donc merci pour votre invitation et merci bien sûr à M. Saint-Esse pour l'accueil, les conditions excellentes que nous avons eues cet après-midi et pour cette présentation. Je dois aussi remercier l'ensemble des partenaires du port, l'Europe, l'État, la région, le Conseil général. Conseil départemental, pardon, maintenant, la Compagnie nationale du Rhône, la ville qui nous soutient, les usagers du port, bien évidemment, donc c'est des professionnels du transport, des agents maritimes, des consignataires, les transporteurs fluviaux, et bien sûr, et avant tout, nos clients qui choisissent nos services, la voie d'eau, pour le transfert de leurs marchandises. Et c'est bien grâce à leur confiance qu'aujourd'hui nous sommes là, qu'on se développe et qu'on a des ambitions. Alors, ce que je vous propose comme plan de présentation, c'est de vous faire une petite information sur le transport fluvial de manière générale. Je vous parlerai de ce que représente le transport fluvial sur le territoire français. Ensuite, on va zoomer sur un axe qui nous intéresse en particulier, qui est l'axe Rhône-Saône et qui a un certain nombre de singularités. Évidemment, vous parlez un peu plus longuement du port d'Arles de manière spécifique. Vous faire un petit peu le témoignage de ce que c'est qu'un grand projet, ou en tout cas à notre échelle, un grand projet d'infrastructure sur cet espace spécifique qui est le delta du Rhône, hein, qui est sensible, mais qui est aussi plein de richesses. Et je me risquerai une petite prospective et indiquer dans quelle mesure la politique doit être réfléchie en termes d'aménagement, de savoir ce qu'on veut pour notre territoire. Donc le transport fluvial, c'est un mode de transport qui aujourd'hui est trop peu utilisé, pardon, en France. Il est très peu connu et on a un vrai travail de démocratisation à faire pour le grand public, mais aussi pour les professionnels du transport, et c'est un travail permanent. On peut dire que le fleuve, aujourd'hui, a plus d'un titre considéré comme étant au cœur des enjeux du développement durable. Donc il y a des enjeux économiques, il y a un potentiel de création de richesses à travers l'aménagement du territoire, et il y a des enjeux de choix pour une société d'utiliser des solutions alternatives à des modes qu'on a développés beaucoup au XXe siècle en France, qui sont le mode routier. Donc on va créer des zones qui sont des interfaces fleuve-terre, qui sont des sites stratégiques pour développer de l'activité. Il y a des enjeux sur le choix de ces espaces qui vont être dédiés à des activités avec un territoire qui est fragile, qui est sensible, mais qui est, donc encore une fois, vraiment stratégique du point de vue de l'organisation des transports et de l'aménagement du territoire. Partout en France, en tout cas, mais en Europe et dans l'ensemble des pays développés, le débat existe sur le choix de ces zones stratégiques et comment on investit et comment on développe de l'infrastructure. Et ce débat, il existe aussi bien dans les zones naturelles que dans les zones urbaines. Vous pouvez imaginer qu'il y a des activités portuaires au cœur des villes où il y a une pression démographique qui peut être importante et il y a clairement des conflits sur ces espaces-là. Mais avant tout, il faut bien comprendre quels sont les atouts du transport fluvial. Il y a évidemment une performance environnementale derrière ce mode de transport. Ça, c'est ce que tout le monde se dit et croit pouvoir savoir. Et donc, quand on parle du transport fluvial, les gens me disent, mais c'est un transport en plein développement, qui a plein d'avenir, parce que c'est respectueux de l'environnement. Oui, mais dans les faits, on a encore un gros travail à faire auprès des chargeurs. Donc, ce qu'on appelle les chargeurs, c'est les opérateurs économiques qui utilisent un transport, qui vont charger un camion, un train, une barge pour leur fret. Il faut bien comprendre, le transport fluvial, c'est un mode de transport qui est d'une grande souplesse, qui est facile à utiliser, donc ce n'est pas quelque chose d'impossible pour des gens qui sont éclairés, particulièrement illuminés, et avec une étiquette verte, qui vont utiliser la voie d'eau. Les grands groupes, les grands chargeurs, la grande distribution, etc., se fait fort d'utiliser la voie d'eau lorsqu'ils y parviennent. Ils en font de la pub, évidemment, ils ne s'en cachent pas. Je ne m'en cache pas, mais en même temps, au départ, il y a une réalité économique. C'est-à-dire qu'ils utiliseront la voie d'eau dès lors que ce sera intégré dans une logistique qui sera économiquement viable et compétitive. Et enfin, le mode de transport fluvial est un mode fiable, particulièrement fiable. Il y a peu d'accidents et il est très adapté pour les transports dont on va voir tout à l'heure un peu l'illustration. Donc dans les performances environnementales, ça va trop vite, voilà. Il y a notamment le phénomène que c'est un mode de massification. Donc il y a la capacité d'emport du mode fluvial est largement supérieure à ses concurrents, entre guillemets, terrestres, que sont le train et le camion. Donc voilà, c'est le petit schéma qu'on a l'habitude d'utiliser. Vous avez ici donc l'exemple d'un convoi poussé de deux barges, avec un pousseur. Deux barges, donc des barges et le contenant. Le pousseur, lui, accueille l'équipage et la motorisation, la propulsion. Et ensuite, vous avez une ou deux barges en flèche, en tout cas sur les fleuves français de manière assez courante. Après, il y a des exemples dans les grands pays, les grands lacs, etc., où on peut multiplier le nombre de barges. Mais donc, le côté massification est déjà un atout important. Et du point de vue respect de l'environnement, j'insiste sur le fait que le transport fluvial aujourd'hui se développe sur une base d'un réseau naturel, ou en tout cas au départ naturel. On a parlé d'entretien des voies navigables, puisqu'il faut effectivement garantir des conditions de navigation qui soient constantes pour pouvoir organiser un transport industriel. Donc il y a évidemment des contraintes d'entretien, on verra ça plus tard, mais ce qui existait dans le passé, ce que vous avez évoqué dans vos travaux tout à l'heure, ben c'est malheureusement entre guillemets d'actualité, et ça reste un sujet qui est important, et où on voit que la puissance publique doit effectivement intervenir pour organiser cet entretien. Donc on a une base de voies naturelles, et donc on a un transport qui, finalement, la marchandise emprunte le paysage, quoi. Donc vous voyez le côté qui est, contrairement à la route ou au train, ne crée pas le phénomène de balafre d'un paysage. Et donc là, sous vos yeux, vous avez quand même l'équivalent de 200 camions qui passent, avec donc... Un exemple plus urbain tout de suite, vous voyez là l'équivalent d'une cinquantaine de camions qui passent dans un milieu urbain, donc on comprend bien que ce mode de transport a quand même des atouts en termes d'acceptabilité sociale par rapport à d'autres modes de transport. De manière plus professionnelle, donc j'ai insisté tout à l'heure sur la souplesse de ce mode de transport, donc c'est une réalité, aujourd'hui c'est un mode de transport qui donne des réponses à des industriels du transport, à des organisateurs de transport, des réponses favorables. Donc l'affrètement d'un bateau, c'est quelque chose de très très simple. C'est presque aussi simple que d'affréter un camion. Il suffit de connaître les transporteurs, les appeler, et vous affrétez des bateaux au voyage pour tout type de marchandises, du vrac, du conventionnel. Ce qu'on appelle le conventionnel, c'est le break bulk, c'est des marchandises diverses. avec une capacité de négociation que vous pouvez avoir dans, comme dans n'importe quel type d'achat. Aujourd'hui, c'est complètement libre. L'offre est plurielle, elle est très complémentaire. Donc vous avez, de manière classique, une offre qui est produite par les artisans bateliers. Hein, donc ce sont des opérateurs qui sont propriétaires de leurs bateaux, qui ont leur propre entreprise dont ils sont les salariés, souvent en famille. Je vous rassure, on est loin de l'homme de Picardie pour ceux qui ont connu. Les automoteurs et les péniches modernes aujourd'hui, c'est des outils de travail de type industriel et les entreprises artisanales, voire même des PME, vous avez à leur tête des gens qui sont en charge d'un outil de travail très lourd. Les derniers bateaux, les gros automoteurs, c'est 3 millions, 4 millions, 5 millions d'investissements avec des traites de 40 000 euros par mois. Donc ils sont quand même à la tête d'une belle entreprise. Et donc c'est une profession qui est tout à fait dynamique aujourd'hui. Vous avez une offre qui peut être représentée par l'intermédiaire des courtiers, comme dans tout type de transport industriel. En parallèle, vous avez un côté un petit peu plus industriel à travers l'offre que peuvent produire les compagnies. Donc les compagnies de transport fluvial fonctionnent un petit peu comme une compagnie maritime. Donc vous avez des salariés qui sont à bord des bateaux, qui circulent 24 heures sur 24, une semaine à bord, une semaine en congé, et donc avec un outil de travail qui a une production permanente, hein, 24 heures sur 24. Et souvent, ce sont des exploitations de type ligne régulière, où là, vous allez trouver le conteneur. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus de marchandises dans le monde sont échangées par l'intermédiaire de ces conteneurs. On appelle ça les boîtes. Vous les voyez sur les camions, sur des trains, ça passe dans les chantiers multimodaux, les plateformes portuaires, et évidemment sur le fleuve. Et on retrouve ici notre barge, enfin nos barges, avec ce qu'on appelle le convoi poussé, hein, qui peut prendre jusqu'à 4400 tonnes. Bon, après, quand on est un petit peu, on essaie de vendre un peu le truc, on a toujours un petit côté d'exagération. Donc c'est très souple et c'est évidemment un mode de transport très fiable. Donc c'est le mode de transport le plus fiable, si on compare à la route, bien évidemment. En termes d'accidentologie, c'est des choses qu'on est capable de mesurer, on verra tout à l'heure. Le fluvial est leader. Il est évidemment particulièrement adapté pour le transport des matières dangereuses et sur un axe qui est le nôtre, notamment entre les bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille et le pôle économique de Lyon, avec toute la pétrochimie et la chimie lyonnaise, il y a un flux important de matières dangereuses qui circulent par la voie d'eau, aussi par le pipe, qui est peut-être sans doute le transport encore plus sûr, mais dont on parle un peu moins. C'est un mode de transport qui naturellement est aussi très adapté au transport des colis exceptionnels. On appelle ça en termes de transport les masses indivisibles et on est amené à transporter de plus en plus des colis très spécifiques de grande taille. Vous avez tous été confrontés à la gêne d'un convexe, enfin, ce qu'on appelle un convoi exceptionnel routier. Ça nécessite des aménagements spécifiques. Parfois, il faut démonter des ronds-points, des signalisations, etc. Les transporteurs de marchandises et de colis indivisibles sont de plus en plus dans la difficulté d'obtenir des autorisations. Donc, il y a un côté administratif pour pouvoir tracer son itinéraire pour un convoi exceptionnel. Lorsque c'est possible, et ce n'est pas toujours possible, utilisons la voie d'eau. Vous voyez ici la capacité qu'a un bateau de transporter des colis très très encombrants. Et enfin, c'est un mode de transport qui en France a un gros gros potentiel. On peut dire qu'en France, de manière générale, et sur l'axe Rhône-Saône, on verra tout à l'heure, on n'est pas encore tout à fait mature. Le trafic peut être multiplié par 4 sur l'axe Rhône-Saône sans investissement. Ça veut dire que si on devait créer des solutions supplémentaires sur la route, il faudrait faire des autoroutes. Et aujourd'hui, clairement, on a des solutions alternatives avec le fluvial. Une flotte de bateaux modernes, hein, donc on est dans la compétitivité, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une batellerie qui s'est mis à la page. Et évidemment, pour revenir sur l'aspect écologique, si vous êtes un peu curieux, je vous invite à aller sur le site de Voies Navigables de France, dont je vais dire deux mots tout à l'heure, qui a créé un éco-calculateur que vous pouvez trouver sur le site internet, donc il est accessible à tous. Et donc je vous ai fait un exemple ici d'un transport. Donc il vous suffit de renseigner des informations, donc le type de conditionnement, la quantité de marchandises que vous avez à transporter. Donc effectivement, pour le transport fluvial, il va falloir qu'on soit sur de la massification, hein, donc des volumes importants. Vous indiquez la distance, etc. La voie d'eau, l'itinéraire que vous avez à faire. Et cet éco-calculateur, ensuite, vous propose de mesurer les gains que vous allez obtenir en utilisant le transport fluvial plutôt qu'un autre mode de transport, en vous calculant les économies de CO2, les économies en argent sonnant et trébuchant avec les économies de carburant que vous allez faire. Et ensuite, on a des bilans sociétaux avec des études qui ont fait leurs preuves, notamment en Allemagne, qui sont assez précurseurs là-dedans. Ils sont très sensibles à ce mode de transport et on sait maintenant créer des modèles où on est capable de calculer les coûts externes d'un mode de transport avec donc la pollution atmosphérique, l'effet de serre, la congestion, l'insécurité. Bon, là, vous verrez que le bruit, on est un peu moins bon là-dessus, mais sans doute que le bruit est une nuisance pour laquelle le transport fluvial est quand même plus respectueux. Et on obtient un total et le ratio que vous obtenez en utilisant la voie d'eau plutôt que la route. Alors, comment se présente le transport fluvial sur le territoire français ? Donc on est principalement sur 5 grands bassins. On doit dire qu'on a le réseau dans sa globalité qui est plutôt désuet. Et ensuite, sur la Crône-Saône, on a le bassin, donc un des 5 axes qui est le plus long, qui fait 550 km, qui débouche sur le port de Marseille, le port de Sète, et qui est équipé de 9 ports publics le long de l'axe. Bien entendu, le transport fluvial n'a d'existence que si vous avez des solutions de transfert modal pour pouvoir desservir le fleuve. Donc sur cette carte, j'ai pas assez de recul pour voir si elle est assez lisible, mais rapidement, donc les 5 bassins. Alors, je parlais de voies navigables conçues sur une base naturelle. Donc dès le départ, il y a la géologie. Donne son coup de baguette là, et donc il y a des territoires qui sont quand même un peu désœuvrés en termes de transport fluvial. Donc ce serait, à moins de tout créer de toutes pièces et de créer des canaux, malheureusement on a quand même des zones qui sont développées parce qu'il y a une base avec des grands fleuves au départ. Ici, de manière anecdotique, vous avez sans doute déjà entendu parler du fait que le constructeur aéronautique reçoit ses pièces du monde entier, enfin de l'Europe, hein, Airbus, par le port de Bordeaux et arme 2 barges spécifiques qui sont destinées au transport jusqu'à Langon, hein, donc des morceaux d'appareils qui seront ensuite donc montés à Langon. Donc il y a du transport fluvial sur la Garonne, mais il est relativement anecdotique. Le reste se passe plutôt à l'est, évidemment. Canal du Midi fermé à la navigation marchande depuis longtemps. Donc vous avez évidemment la Seine, vous avez ce qu'on appelle les canaux du Nord, avec un projet dont vous avez entendu peut-être parler, qui aujourd'hui est sur le point de se faire, c'est la liaison Seine-Nord-Europe, hein, pour laquelle l'Union européenne a annoncé qu'on aurait un soutien pour créer cette infrastructure majeure, et c'est la plus grande infrastructure que l'on crée par ces temps modernes, après le gabarit Fraissinet, dont je veux vous dire un mot tout à l'heure. Ici, vous avez la Moselle, hein, avec les ports de Nancy, Frouard qui sont desservis, donc un petit tronçon français, et naturellement le Rhin avec le port de Strasbourg, qui est un des plus grands ports français, hein, qui est un port autonome, et l'axe Rhône-Saône, donc vous voyez qu'il présente une pénétrante à l'intérieur des terres qui est la plus importante, qui n'est pas forcément le bassin le plus développé, mais qui va jusqu'à Pagny, hein, Pagny à côté de Beaune, qui est la dernière plateforme à grand gabarit. Tout le reste, donc ce qui est plutôt en vert, en intégrant donc l'ensemble des voies navigables, représente ce qu'on appelle le gabarit Fraissinet. Gabarit Fraissinet du nom de M. Fraissinet, qui a créé ce réseau à la fin du 19e siècle comme étant un standard pour le transport fluvial. On transporte 250 tonnes par péniche Fraissinet, donc un 38,50 m qui donne un gabarit. Aujourd'hui, ce gabarit est relativement désuet et on ne peut pas parler d'un véritable réseau à grand gabarit en France, malheureusement. On a 4000 km de voies navigables, dont seulement 1800 sont au grand gabarit et permettent de réaliser les économies liées à la massification qui rendent le transport fluvial compétitif. Alors le Fraissinet existe encore, hein, nous on en décharge de temps en temps. Mais depuis la fin du 19e siècle, en France, on n'a pas misé sur le transport fluvial. Donc on a fait le ferroviaire, on en parlait tout à l'heure pour l'Italie, pour Rome, hein, c'est ça, où on n'avait pas décidé de ne pas utiliser le transport fluvial. Bon, on a fait à peu près le même choix à l'époque, sauf qu'on avait quand même une base qui est sans doute un peu plus importante sur le territoire français. Et ensuite, on a misé évidemment beaucoup sur la route et on a construit des autoroutes. Et aujourd'hui, on a un transport routier qui est massif. Un petit benchmarking avec nos amis du Benelux et de l'Allemagne, justement, où là, il y a toujours eu une culture liée au fleuve, donc en particulier la Hollande. Il faut savoir que le port de Rotterdam, qui est le premier port d'Europe, qui jusqu'à il y a 10 ans encore, était le premier port au monde, avant de se faire doubler par 9 ports chinois, qui sont en tête du classement mondial. Vous avez un port donc, qui est aujourd'hui toujours le port de l'Europe, avec bon, un complexe Rotterdam, Anvers, Gand. En tout cas, un range nord qui est très dynamique du point de vue maritime. Et vous l'aurez compris, le transport fluvial se développe sur une base portuaire. Et donc, ce qu'on définit comme un bassin fluvial, un grand bassin, souvent c'est composé donc d'un débouché maritime, avec une activité maritime forte et une ouverture à l'international, et au moins un pôle économique fort. Donc sur l'axe Rhône-Saône, on a évidemment le Lyon, sur la Seine, ce n'est pas la peine de le présenter, mais il y a évidemment le port du Havre, port de Rouen, donc eux, ils ont deux grands ports maritimes, et évidemment la région parisienne et le port autonome de Paris. Etc. Et donc on a ici donc sur Rotterdam, pour revenir sur le sujet, un port qui crée 40% de ses flux sont acheminés par le fleuve. 40%, c'est doit être à peu près 4% pour Marseille. D'accord. Avec un port en plus qui a un trafic qui est 5 fois supérieur à celui de Marseille. Alors si on zoome sur l'axe Rhône-Saône, pour donner quelques notions, c'est 7 millions de tonnes qui circulent sur cet axe. 7 millions de tonnes, c'est environ, on estime, alors c'est vraiment, il faudrait faire une étude beaucoup plus précise, mais il y a des observations qui ont été réalisées. On évalue environ 350 millions de tonnes, le flux, tout mode confondu sur cet axe-là. Évidemment, concentré sur une liaison Marseille-Lyon, qui sont les grands pôles, 7 millions, c'est 2% du flux qui s'exerce par la voie d'eau. Alors, tout n'est pas transférable sur la voie d'eau, il ne faut pas rêver non plus, mais on peut faire beaucoup mieux que 2%. Donc, vous avez 9 ports fluviaux, 2 ports maritimes, donc principalement le grand port maritime de Marseille, et vous avez le port de Sète, puisque via le défluent du Petit Rhône, on verra sur les vues aériennes tout à l'heure, c'est flagrant, on a créé un canal, là pour le coup, qui est majoritairement artificiel, le canal du Rhône à Sète, qui fait d'ailleurs l'objet de grands travaux aujourd'hui, qui mobilisent des fonds importants et une politique intensive pour obtenir un grand gabarit entre le port de Sète et le Rhône, puisque naturellement pour cette région-là et ces espaces-là, c'est stratégique que d'avoir ce débouché vers ce qu'on appelle l'Interland, donc qui est l'intérieur des terres desservies par des modes de transport massifiés. Alors pour rester sur l'axe Rhône-Saône, on a une vraie spécificité. qui réside notamment dans ce qu'on appelle le modèle Rhône. Voie navigable de France, qui fait les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, Voie navigable de France est un établissement administratif qui a en gestion la quasi-totalité des voies d'eau, hein, avec une mission de promotion du transport fluvial, d'aménagement, d'implantation d'entreprises qui vont utiliser le transport fluvial, et à quelques exceptions près, dont le Rhône. Et donc, dans le cas spécifique du Rhône, l'État a créé une concession. Donc, il a concédé le fleuve dans son ensemble à la Compagnie nationale du Rhône, qui a été créée donc, pour cela en 1933, une entreprise 100% publique au départ. Et donc, il a créé cette concession avec un principe qui est assez fondamental. Et ça répondra à une des questions qui était posée tout à l'heure en termes de gouvernance et comment on fait pour organiser ces territoires. À mon sens, il y a un modèle qui marche, qui est celui-ci. C'est de confier donc à un opérateur, qui est le concessionnaire du fleuve, dans toute sa dimension, dans tous ses enjeux de l'irrigation, l'écologie, les risques d'inondation, le transport fluvial. Donc naturellement, la Compagnie nationale du Rhône est avant tout un producteur d'électricité, puisque le Rhône, vous savez, est un fleuve aménagé et qui est donc, de ce point de vue-là, assez efficace en termes de production de richesses. Mais la Compagnie nationale du Rhône, qui crée son électricité, qui depuis 2000, en plus, est capable de la commercialiser en propre, depuis la libéralisation de l'électricité, c'est ce qui est fondamental dans ce concept du modèle Rhône, c'est qu'il a une mission d'intérêt général qui est associée à ce pilotage du fleuve. Donc vous avez un opérateur qui a une vision globale d'un fleuve, et on a compris, et l'idée c'est de se dire qu'un fleuve, ça se pilote dans son ensemble, il y a depuis donc la Suisse, hein, pour le territoire français, jusqu'à Port-Saint-Louis, du Rhône. Et en y associant des missions d'intérêt général. C'est-à-dire que vous avez la même personne morale qui va avoir les capacités de tirer des richesses du fleuve, avec l'électricité en grande majorité, mais aussi avec le foncier associé au fleuve, et de tirer de ces richesses des missions d'intérêt général. Donc c'est la CNR qui drague le Rhône, par exemple, et qui entretient le Rhône, qui garantit des conditions de navigation compte tenu en phase avec le cahier des charges que lui a donné l'État. La CNR donc, organise cette mission d'intérêt général dans le cadre de plans quinquennaux, et c'est environ 286 millions d'euros, donc CNR pur, qui sont injectés dans ces missions d'intérêt général. Hein, encore une fois, c'est vraiment pluridisciplinaire. C'est des passes à poissons pour les poissons migrateurs, c'est accompagner un club d'aviron, etc., etc., participer à la protection des populations, and so and so. Autre particularité de cet espace et de ce fleuve, qui là du coup intègre la Saône, parce que vous l'aurez sans doute noté, mais du point de vue du transport fluvial, on ne fait pas distinguo entre le Rhône et la Saône, qui à eux deux créent donc une voie de 550 km hein, jusqu'à côté de Dijon pratiquement. Donc là, on est sur un système qui s'appelle le plan Rhône et qui intègre donc cette rivière qui est la Saône, qui se jette dans le Rhône et qui est exclue de la concession CNR. Alors ce plan Rhône, vous avez peut-être entendu parler, c'est une espèce de grand contrat de projet interrégional État. Hein, donc on appelle ça le CPIER. Il a été largement inspiré et décidé au lendemain des inondations de 2003 dont on a fait, auxquelles monsieur Hill a fait référence tout à l'heure, hein, qui ont touché Arles assez sévèrement, même s'il n'y a pas eu de mort hein, à Arles. Hein, il y a eu des dégâts principalement matériels. Et donc on est aujourd'hui au deuxième plan Rhône, qui a enfin été mis en place. C'est toujours un petit peu long, mais on a un plan Rhône 2015-2020. Dans lequel, c'est un peu difficile à dire, mais je me risquerais à évaluer environ 550 millions d'euros qui sont injectés par les partenaires du plan Rhône, qui sont de manière principale l'État et les régions. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus que 4, enfin demain ou lundi, il n'y en aura plus que 4. Aujourd'hui, c'est 5 régions qui sont concernées, mais c'est donc, je vais essayer de ne pas me tromper, mais vous avez évidemment PACA, Languedoc-Roussillon, vous avez Rhône-Alpes, Bourgogne et la Franche-Comté qui participe un petit peu, puisqu'elle considère qu'elle bénéficie un petit peu de l'aura et de l'essor du transport et des activités autour du Rhône. Ce qui est important aussi, puis ça donne une information en termes de gouvernance, là encore on essaye d'avoir un pilotage homogène, cohérent d'un fleuve dans son ensemble. Il y a un préfet coordinateur de bassin, hein, qui est le préfet du Rhône, qui est le préfet du Rhône. Et ce plan Rhône s'articule autour de 3 grands axes. Que sont la gestion multifonctionnelle des eaux. Donc derrière, vous allez comprendre, il y a la production électrique, par exemple, hydroélectrique. Il y a l'axe développement économique, dont fait partie un volet transport fluvial, donc promotion du transport fluvial, tout ce qui est aménagement portuaire, etc. Et il y a un axe dynamique, innovation territoriale, sociétale, donc c'est plutôt protection de l'environnement, les aspects culturels. Il y a un projet qui s'appelle Via Rhône, vous avez peut-être entendu parler, c'est une voie de circulation en mode doux de la Suisse jusqu'à la mer, le long du fleuve. Et donc enfin, on zoome sur le port d'Arles, mais vous comprenez bien que nos activités sur le port d'Arles, elles sont forcément liées à une gouvernance globale et à ce qui se passe sur l'ensemble du bassin, surtout quand on parle de transport fluvial et que des échanges, ça se fait d'un point à un autre. Et notre position est forcément intimement liée à ce qui se passe sur le fleuve et avec nos voisins de l'amont, de l'aval, tout ça en l'intégrant dans ce territoire avec ses spécificités. Et donc le port d'Arles, tout à l'heure j'ai Madame Carr qui m'a posé la question en tout début de réunion, je pense que maintenant les réponses sont arrivées, mais quel est le lien entre la CCI et le port? Le port d'Arles est un service industriel et commercial de la Chambre de commerce, et même si aujourd'hui le réseau consulaire ne gère plus l'ensemble des équipements ou est de temps en temps remis en question ou remis en concurrence, il reste à la tête de beaucoup d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, et il n'y a pas très très longtemps, les chambres de commerce géraient pratiquement l'ensemble des équipements. À l'époque, donc aujourd'hui on a des ports d'intérêt nationaux qui s'appellent les grands ports maritimes suite à la dernière réforme, mais juste avant c'était des ports autonomes, ça s'est appelé les ports autonomes dès lors que ça quittait le giron des CCI. Mais la chambre de commerce et l'industrie du pays d'Arles, à plus de 100 ans, il y a 100 ans, la CCI gérait le port de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui aujourd'hui est une grande partie des bassins ouest du grand port maritime de Marseille, donc directement sous la tutelle de l'État. Donc je vais rapidement vous présenter le port en vous montrant sa situation actuelle et en essayant de vous expliquer un peu comment on évolue dans un schéma global avec des structures telles que Voies navigables de France, la CNR, la politique européenne, et ensuite voir sur la base de ce qu'on représente aujourd'hui, nos activités, quelles sont nos ambitions et comment on voit l'avenir. Juste un petit peu de une vue pour vous montrer un petit peu le contexte. Donc on est le port d'Arles se trouve en rive gauche. Sur une plateforme qu'on va décrire un petit peu plus précisément tout à l'heure, mais le port public que nous gérons ici, c'est cette partie-là, donc c'est environ une bande de 100 mètres de profondeur sur la berge, hein, avec naturellement des interfaces indispensables, les quais, des zones de stockage, puisqu'on va passer d'un mode massifié à la route, ou la route sur le mode massifié, donc on passe par un ratio de 1 à 100, vous avez vu. Donc on a forcément besoin d'avoir des infrastructures, voire des entrepôts pour des marchandises sensibles, etc. Ici, vous avez la ligne Paris-Lyon-Marseille, donc un axe ferroviaire majeur dont on reparlera. Il faut savoir que le port est connecté au ferroviaire. Naturellement, au routier, c'est la moindre des choses. Et pour s'amuser, on s'appelle plateforme quadrimodale. En général, c'est, on parle de bimodale, de trimodale. Quadrimodale, pourquoi ? Parce que vous allez voir tout à l'heure toute la singularité du port d'Arles dans la capacité qu'il a d'accueillir des navires fluviaux maritimes. Donc on a l'aspect transport maritime directement qui accède sur nos quais. Le fluvial classique que je vous ai présenté tout à l'heure, le ferroviaire et le routier. Juste pour vous montrer qu'on est pratiquement au droit du défluent du Petit Rhône, donc il n'y a pas plus deltaïque qu'ici. Alors, nous, on fait du service. Un port, c'est une zone d'échange, de transfert modal d'une marchandise. Donc, nous, on ne transporte pas, on ne commerce pas. On fait de la manutention pour le compte de nos clients qui choisissent d'utiliser tel ou tel mode de transport avec des partenaires qui sont les transporteurs, qui nous font confiance parce qu'on travaille bien, vite, avec de la souplesse, de l'efficacité. Et donc, avant tout, ça réside dans la capacité qu'ont les hommes et les femmes. Et les femmes, je souligne, puisqu'on a une jeune femme qui est grutier au port d'Arles. Donc, c'est assez rare. Souvent, elles sont plutôt au niveau administratif, mais les temps évoluent positivement. Et donc, voilà, c'est les hommes et les femmes qui font quand même le plus gros du boulot. Et c'est important que d'avoir une infrastructure, mais derrière des hommes qui sachent mettre en œuvre les outils et ont l'esprit du service aux clients. Bon, on a évidemment des installations que vous avez vues en aérien, mais bon, on a environ 400 mètres de quai, 1200 mètres carrés d'atelier où on a notre matériel de manutention. Donc on a, dans la manutention portuaire, on définit la manutention horizontale, la manutention verticale. Donc, manutention horizontale, c'est tout ce qui est chariot élévateur, chargeur, tous les engins qui nous permettent de transférer les marchandises au sol, d'évacuer, de reprendre, de charger des camions, etc. Et la manutention verticale, au moyen des grues, évidemment, qui sont des outils très spécifiques, des investissements lourds, qu'il est indispensable de réaliser pour répondre à la demande. Alors, le port d'Arles a été créé en 1983, hein, c'est relativement récent, on a fêté ses 30 ans il y a peu de temps. Il a connu une croissance, alors c'est pas un long fleuve tranquille, j'étais obligé de faire d'utiliser la formule. Cela dit, la pente générale est quand même plutôt croissante, donc forcément part de zéro. Il y a deux événements dans la vie du port qui sont importants. Vous avez 1991. Jusqu'à 1991, il n'y avait pas vraiment de spécificité pour le port d'Arles, qui était un port fluvial comme les autres, embranché à une voie navigable au gabarit, au grand gabarit, ce qu'on appelle aussi gabarit européen classique, donc les barges, les péniches, et quelques petits navires fluviaux maritimes de 1500 tonnes. Or, on a très vite observé qu'entre la mer, c'est-à-dire l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône, puisque le delta, l'embouchure naturelle n'est pas navigable à cause des sables qui bougent en permanence. Donc, depuis les bassins ouest et l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône jusqu'à Arles, on avait, de manière naturelle et pratiquement sur tout le long du parcours, 4,50 m d'enfoncement garanti aux plus basses eaux navigables. Donc, c'est-à-dire que même pendant les périodes d'étiage, on avait 4,50 m nominal garanti. Sauf au sud d'Arles, à Terrain, donc TE2RIN, qui est un lieu dit juste au sud d'Arles, une veine de pudding traversée qui faisait qu'on limitait le tirant d'eau à 3,20 m, qui est le standard classique de l'enfoncement fluvial. Grâce à la mobilisation des élus de la Chambre de commerce, grâce à des perspectives qui étaient à l'époque la liaison Rhin-Rhône, pour ceux qui ont connu ce projet de liaison à grand gabarit par l'aménagement du Doubs, donc entre la Saône et entre le Rhin et le Rhône, qui était un débouché, donc grand gabarit pour sur les bassins de l'Est et l'Europe de l'Est, qui permettait donc de ne pas laisser isoler ce bassin. Le projet a été abandonné en 1997. Cela dit, en 1991, donc dans cette perspective-là, on a fait ce déroquetage du seuil de terrain qui nous a permis d'obtenir donc 4,50 m garantis en permanence. Et à ce moment-là, on a commencé à recevoir des navires fluviaux maritimes de 3000 tonnes. Donc on est rentré dans une autre catégorie et on a pris une position assez stratégique en termes de transport maritime alternatif au transport maritime des grands navires, grands porte-conteneurs qui sont traités dans les ports maritimes d'envergure. Un autre événement, c'était l'expression d'un besoin d'extension, puisqu'on avait pressenti, on avait fait des études stratégiques sur le potentiel du port. Et on reviendra tout à l'heure sur la genèse du projet dont je vais vous parler, avec dans la foulée, donc 2007-2008, deux années de forte croissance d'activité qu'il a fallu gérer. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais en gros, le port d'Arles, ça traite un flux de 450 à 500 000 tonnes de fret par an. Donc c'est modeste. Hein. Le grand port maritime de Marseille, c'est environ 60-70 millions de tonnes. Ça baisse un peu parce qu'ils perdent des marchés sur les produits pétroliers. Mais ce n'est pas négligeable compte tenu de la nature des marchandises. Et on traite un fret très diversifié. On retrouve des choses classiques et je m'aperçois qu'après vous avoir écouté sur notamment sur ce qui se passait sur le Nil en Égypte, on continue à traiter des sables et graviers, donc des matériaux de construction, des céréales. Il y a un outil stratégique au grand port maritime de Marseille pour desservir le maritime et le monde dans son ensemble avec des céréales qui viennent de Bourgogne, qui sont produites en Bourgogne, qui sont descendues par barge. Et à Arles, on a une petite alternative qui permet de répondre à des demandes un petit peu plus modestes, notamment sur le pourtour méditerranéen en Italie, en Sicile. On fait des petits caboteurs de 3000 tonnes de céréales qu'on reçoit par barge et qu'on transborde directement dans les navires. On en reparlera un petit peu plus tard, mais bon, vous voyez, tout type de marchandises. Donc on fait beaucoup d'engrais. On a notamment une usine d'engrais qui est implantée sur la zone portuaire. Voilà, ciment, clinker, des produits métalliques, des déchets, etc. Avec des provenances et destinations liées aux fluviaux maritimes. Donc je reviens sur le terme de fluviaux maritimes parce que souvent on fait la confusion. On peut parler d'une logistique ou d'une organisation fluvio-maritime lorsqu'on réalise un transfert depuis le fleuve sur le maritime. Nous, on définit par le terme de fluvio-maritime un type de navire qui est adapté à la navigation mixte fluviale et maritime. Donc, c'est des bateaux qui ont un fond plat, ils ont une timonerie télescopique qui peut se baisser pour passer sous les ponts. Et qui fait donc un peu l'originalité, encore une fois, du port d'Arles, sachant qu'au-delà du port d'Arles, les navires qui sont capables de prendre 3000 tonnes ne peuvent plus monter qu'à 1500 tonnes de capacité, donc l'offre est quand même beaucoup plus modeste. Donc on est sur ces dernières années, donc vous avez vu à gauche, là c'est tous les ports, tous les pays qui ont été un jour touchés par des navires ou des péniches, parce qu'il y a aussi du national et du terrestre, enfin de l'européen, hein, quand on voit l'Allemagne, ça peut être du Fraissiné. Donc il y avait des destinations et provenances relativement pléthoriques. On se concentre de plus en plus sur le pourtour méditerranéen avec le Maghreb, donc en particulier le Maroc et l'Algérie, ouais, voilà. Et l'Italie, l'Espagne, de manière très forte. Donc ça, c'est du short sea shipping. C'est, encore une fois, c'est des modes de transport qui sont, dans une certaine mesure, alternatifs à la route. Voilà, bon là, je passe un peu plus vite. La singularité du port, hein, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le navire fluvio-maritime. C'est sa position stratégique, donc c'est pas pour rien si depuis des siècles, Arles a connu une activité portuaire. Il y a une connexion, on ne l'invente pas, hein. On est pratiquement à équidistance de Nîmes, Salon et Avignon. Hein, donc on est vraiment sur une zone assez intéressante du point de vue de la connexion terrestre, routière et ferroviaire. C'est un port polyvalent, souple. Bon, là je fais un peu ma pub. Je suis obligé de vous citer un exemple de trafic fluvio-maritime assez singulier pour en écho avec la présentation de tout à l'heure, on a un trafic de riz. Enfin, vous savez qu'en Camargue, on produit du riz. Malheureusement, on en produit moins puisque le gouvernement français a diminué les aides aux riziculteurs de Camargue. Or, on a une usine de production de riz qui fait du riz étuvé en utilisant, entre autres, du riz camargué, mais aujourd'hui, il a pas forcément suffisamment de matière. Et donc, on a des provenances de riz du Pô, de Grèce, mais principalement de Séville. Et donc, il y a des navires fluvio-maritimes qui remontent le Guadalquivir et qui font ce trafic jusqu'à Arles pour desservir en direct l'usine d'Arles avec du riz padi, hein, du riz qui n'est pas encore travaillé. Voilà. Bon, une petite illustration de la polyvalence. On retrouve nos éoliennes qui sont quand même assez symboliques en termes du point de vue de l'image environnementale. Ici, vous avez un navire fluvio-maritime qui transborde dans des barges. Hein. C'est du vrac. Ça, c'était sympa. C'était des tubes de gaz qui étaient fabriqués en Grèce, qui sont arrivés par navire fluvio-maritime ici, transbordés directement dans des barges. Donc, vous voyez un peu la capacité qu'a une barge à transporter ce type de matériaux. Et c'était pour fabriquer un gazoduc, installer un gazoduc dans la région de Mâcon. Hein, donc, c'est un transport qui a été assez singulier. Les colis lourds, on y revient. Ici, pour montrer qu'un port, c'est quand même un atout stratégique pour un territoire et pour les entreprises et les industries locales. Vous avez ici du bois de trituration qui arrive d'Espagne, d'Italie, qui est un complément à la matière première utilisée par l'usine de Tarascon, qui s'appelle Fibre Excellence. Pour ceux qui connaissent la région, c'est les anciennes celluloses du Rhône, puis Tambec, et maintenant Fibre Excellence. Donc on contribue à l'approche de cette matière première pour Fibre Excellence. Vous verrez qu'en contrepartie, le produit fini aussi peut être expédié par l'intermédiaire de l'installation portuaire qui est vraiment à proximité de Tarascon. On est à 10 km de Tarascon. De la même manière, ici, vous avez des coils, donc c'est la bobine d'acier pour Cenas, donc une usine Sokova qui utilise ces produits-là à proximité du port. Donc on est vraiment au service de l'économie avec ici voilà, ce patchwork. Vous avez ici de la pâte à papier. Donc la pâte à papier, c'est le produit intermédiaire hein, qui s'échange dans le monde entier. C'est un produit semi-fini qui rentre chez les papetiers, qui font les confections du carton, du papier imprimerie, enfin, sur une base de pâte à papier produite notamment à Tarascon, en l'occurrence. Ici, une petite anecdote, je vous parlais du plan Rhône, de la gouvernance et du fait qu'autour du fleuve, il y avait des enjeux de sécurité, hein, donc c'est des zones fragiles. On a contribué au renforcement des digues qui sont en cours, hein, qui sont pilotées par le CIMADREM aujourd'hui, avec notamment des fonds, évidemment, du plan Rhône. Et il s'avère que les derniers travaux qui ne sont pas tout à fait terminés encore, qui concernent le quai Max Dormois, là, qui est vraiment dans le virage d'Arles, puisqu'on a le Rhône qui fait pratiquement 90 degrés avant de rentrer dans Arles. Donc il y a une zone fragile ici qui a été fragilisée au cours des crues, qui est renforcée. Or, c'est en pleine ville, pour ceux qui connaissent, c'est en hauteur sur des quais, en pleine ville, il n'y avait aucune possibilité d'accéder par la route. Et d'où que viennent les matériaux, là pour le coup on était le passage obligé, et on a tout chargé à Arles, de la palette de ciment aux enrochements, pales-planches, etc. Ici, un trafic assez singulier aussi, c'est du ballast ferroviaire pour Miramas, donc pas très loin d'Arles non plus, on a une base logistique, fret Miramas, avec du ballast qui est produit à Mâcon et qui arrive par barge, et qui ensuite est rechargé dans des trains pour Miramas. Donc on fait vraiment de la multimodalité, avec tout mode de transport possible, enfin pratiquement possible et imaginable. Rapidement, pour vous parler de la gouvernance, donc, nos activités, elles sont, même si on est sur une zone qui est sous concession de la Compagnie nationale du Rhône, on a quand même l'établissement de l'État qui est Voies navigables de France, qui crée des schémas, qui essaye d'avoir une vision globale de ce qu'il faut faire pour développer le transport fluvial, et comment on privilégie des espaces dédiés à la création de ces plateformes, et donc créer des schémas avec des stratégies communes entre les ports, hein, puisque je vous ai cité des ports publics, mais il y a autant de quais pratiquement que d'arrondissements, d'activités et de zones économiques le long de l'axe Rhône-Saône, avec des débouchés, et donc des réflexions qui sont menées à tous les niveaux, et y compris par Voies Navigables de France, qui du coup crée des plans d'action et permet de créer un lobbying et un consensus sur les grands projets qu'on doit réaliser à tel et tel endroit, de manière assez réfléchie, cohérente, pour ne pas faire du mitage. On ne va pas faire des ports tous les 20 mètres, par exemple. Il y a des zones protégées et il faut faire des choix politiques, et c'est vraiment le cœur du sujet. On est aussi impliqué dans la stratégie de la Compagnie nationale du Rhône. Donc je vous disais que la CNR était concessionnaire du fleuve, mais aussi de quelques 3000 hectares donc de fonciers embranchés, avec, là encore une fois, un cahier des charges de l'État pour son concessionnaire qui impose notamment la gouvernance sur ces terrains-là. On a ici la partie port public que la CNR a confiée à la CCI dans le cadre d'un contrat de sous-traité de concession. Bon, je vous passe. Mais vous avez ici ces zones-là là, qui sont destinées à accueillir de l'activité, à vocation, avec des activités qui auront vocation à utiliser le transport fluvial. Donc là, on est vraiment dans des points stratégiques de la gouvernance et du fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. On ne mettra pas ici un supermarché à cet endroit-là. Donc ce sont des zones rares, privilégiées, et sur lesquelles il y a une vraie réflexion pour essayer de qualifier un peu l'implantation des activités qui soient cohérentes. Évidemment, au-delà de ça, il y a l'Europe qui compte beaucoup, et vous savez que l'Europe, du point de vue des transports, a créé un réseau des transports privilégiés, on appelle ça les RTET, les réseaux transeuropéens de transport, avec un certain nombre de corridors qui ont été définis comme étant des zones, des espaces, enfin des corridors, je ne vais pas réinventer le mot, particuliers qui font l'objet de l'attention de l'Europe. Et donc il y a le corridor 9, si je ne m'abuse, qui est le Marseille-Lyon-Basel, sur lequel on retrouve évidemment Arles, toujours au centre du monde. On travaille naturellement en réseau avec l'Association française des ports intérieurs. Donc là, on fait un peu du lobbying, mais on est plusieurs ports, avec des ports modestes comme des ports importants, notamment le port de Paris, port de Strasbourg. Et quelle que soit la taille, on a à peu près les mêmes préoccupations et les mêmes contraintes sur le foncier. Je vous parlais tout à l'heure des conflits qui étaient à gérer sur la protection des espaces portuaires. Notamment, ce n'est pas trop le cas à Arles encore, mais il y a des zones urbaines où il y a une vraie concurrence de l'urbanisme, et de temps en temps, politiquement, c'est très très difficile à arbitrer, et il y a une vraie pression foncière, et souvent les gens, le grand public, oublie qu'il faut se créer des solutions de transport, des solutions logistiques, et le port de Lyon, que je connais très bien, est au cœur de ces sujets. Ils sont juste à côté du stade Gerland, du stade de foot, où il y a des milliers de personnes et des événements qui drainent un monde fou. Il y a évidemment une densité urbaine forte, et on a un port qui a du mal à exister dans cet environnement, aussi stratégique soit-il pour cette population, puisque vous avez du fret qui peut rentrer massivement à l'intérieur des villes. Voilà, donc des conflits de tout temps et qui sont toujours d'actualité. Pour revenir sur Medlink, c'est un peu une émanation du plan Rhône dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ça nous donne des moyens de nous structurer. On a créé un label où tous ces ports qui n'ont pas eu dans l'histoire toujours l'habitude de se parler entre eux, plutôt se sentir comme des concurrents, on travaille tous ensemble, on existe à l'international avec ce genre de plaquettes, et on apprend un peu à travailler ensemble et vendre l'axe Rhône-Saône dans son ensemble. Voilà, donc on a un certain nombre de prospectives à faire, et notamment quelque chose de novateur qu'on essaye de créer, c'est des lignes régulières qui n'existent pas encore aujourd'hui. On est sur un bassin Rhône-Saône qui est encore peu mature par rapport au Rhin et même par rapport à la Seine, où ces services existent déjà. Aujourd'hui, il n'y a pas de système qui permette de faciliter le report modal de la route sur le fleuve, dans la mesure où on n'a pas ce service de ligne régulière pour des marchandises domestiques. L'idée, c'est de massifier la marchandise sur des modes, donc sur le fleuve, sur un tronçon, si possible, longue distance, de créer des points nodaux de collecte et de réexpédition du fret. Donc on concentre le fret dans les ports, et on massifie, Et dans cette organisation-là, on crée un report modal. Hein, donc vous avez tous, enfin souvent, la plupart d'entre vous, pratiqué l'autoroute A7. Vous savez qu'il y a quand même un encombrement qui n'est pas négligeable. Et donc ce concept du report modal sur des lignes régulières, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, notamment à travers un concept technique qui s'appelle le 45 pieds pallet wide, tout simplement un modèle de conteneur qui est différent du conteneur maritime, donc les fameuses boîtes dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment dimensionné pour faire de la palette et des marchandises diverses, comme sur un camion classique, sur un top liner pour ceux qui n'y connaissent, ou un plateau, et qui serait donc ce mode qui permettrait de transférer des marchandises sur le fleuve. Ensuite, on recherche cet effet de darse, et si je refais un benchmark avec le Range Nord, hein, donc avec le Rhin, avec la Meuse, les ports d'Anvers, Gand, etc., on s'aperçoit qu'à partir d'un seuil critique d'activité portuaire, notamment en termes de nombre de conteneurs, on a à l'intérieur des terres la possibilité d'extraire des premiers kilomètres de la zone portuaire maritime pure un certain nombre de conteneurs pour essayer de désenclaver un peu les voies d'échange directement sur le port. Donc on a une vraie recherche de complémentarité avec le grand port maritime de Marseille, qui est notre voisin, qui est à 44 km. Mais si moi j'ai fait l'expérience de la Meuse depuis Rotterdam, 60 km à l'intérieur des terres, vous avez des activités portuaires directement liées à ce qui sort du port de Rotterdam. Vous avez des berges qui sont équipées de quais de manière très très régulière. Et donc si on se place dans la prospective du grand port maritime de Marseille, à 30 ans, on voit qu'il y a des ambitions de passer de environ 1 million de VP à 5 millions de VP. Alors le VP, c'est l'unité de mesure du conteneur. C'est l'équivalent 20 pieds. En anglais, on appelle ça les TEUs. Et donc, on pense qu'à ce stade-là, on arrive à ces seuils critiques qui permettent de créer ce fameux effet d'Arse qui pourrait intégrer Arles dans une activité conteneur qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Ça se traduit par un effet sur le report modal au grand port maritime de Marseille, avec une ambition de transférer sur le ferroviaire 30% du trafic, donc ça ferait 1 million de VP, donc on multiplie par 15, et sur le fluvial, l'idée au départ, qui est maintenant déjà dépassée, c'était d'augmenter de 10%, donc de partir de 67 000 équivalents 20 pieds à 400 000 équivalents 20 pieds. Là on est déjà en 2015, ce 10% il était largement dépassé, puisqu'on se rend compte que c'est pas le ferroviaire qui répond le mieux, mais c'est le fluvial. C'est pas pour rien que je vous disais tout à l'heure que c'était un mode souple, efficace, et contre toute attente, parce que c'était vraiment pas dans la culture du grand port maritime de Marseille, ces 10% ils sont largement dépassés, et donc on imagine qu'à 2030, si on a 5 millions de VP, on aura largement un objectif atteint, voire dépassé. De manière physique, sur cette carte, donc vous voyez les bassins ouest du grand port maritime de Marseille, dont je vous rappelle qu'il y a une partie qui est dans les bassins est, donc côté Marseille, qui est plus liée à la croisière et à l'ouverture sur la ville. La partie industrielle et en développement du grand port maritime de Marseille, c'est ici, avec la darse conteneur ici, darse minéralière ici. Ici, vous avez une darse multiproduit, et ici, vous avez le canal avec un quai où il y a des céréaliers, des céréales, et c'est ici que vous avez l'écluse de Port-Saint-Louis du Rhône qui permet aux barges, mais aussi aux navires fluviaux maritimes, de rentrer et de pénétrer sur le Rhône pour remonter jusqu'à Arles. Le fluvial qui est traité ici, donc sur les conteneurs par exemple, transfert sur les barges passent soit ici par le canal de Barcarin, avec l'écluse ici, soit par les télines, là. Et vous avez l'accessibilité sur le fleuve, et donc on voit qu'on a quand même un mode de transport qui va être de plus en plus utilisé, et c'est des choix qui s'imposent aujourd'hui sur ce bassin. Du coup, on s'est projeté un petit peu. Donc, on a, vous avez compris tout à l'heure, on a une école qui fait du numérique. Donc, on a aujourd'hui une photo du port actuel, et on se projette en 2030. Voilà ce que pourrait devenir le port. Alors, c'est une ambition peut-être un peu forte, mais il faut se donner des grandes ambitions. Et avec le port aujourd'hui qui est quand même limité ici, des possibilités d'extension, avec derrière des activités connexes, hein, toutes ces créations de richesses qu'on peut créer autour d'une activité portuaire. On se bat beaucoup pour l'accessibilité. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'un consensus et de réflexion pour créer des infrastructures. Autour d'une infrastructure portuaire, il faut naturellement y associer l'accessibilité et la dédier à une dimension industrielle du transport, si possible en dehors des conflits avec l'urbanisme. Et donc, nous, au sein de la Chambre de commerce et au PA en particulier, c'est un de nos devoirs et on essaye d'intervenir. On est écouté dans les collectivités, et notamment lorsque se discutent les documents d'urbanisme. Notre avis est demandé et on explique que, par exemple, l'accès au port, évitons de faire du logement. On crée un axe routier, vocation industrielle. On sait très bien que si derrière on crée du logement, on va avoir un conflit entre le trafic routier et les habitants, qui en général se traduit par la décision, c'est plutôt en faveur des habitants qu'en faveur de la marchandise. C'est les élections, je ne ferai pas de mauvaises réflexions. Mais dans le transport, on a l'habitude de dire la marchandise ne vote pas. Alors nous, on a besoin de garder et de faire en sorte que, à travers notre lobbying qu'on exerce et l'activité qu'on fait, donc de garder cette connexion au ferroviaire. Donc pour l'instant, on a de la chance. Il y a beaucoup de territoires qui ont été abandonnés par le ferroviaire, parce qu'après avoir beaucoup misé sur le ferroviaire au début du 19e siècle, après c'était le routier, et aujourd'hui on est sur un mode de transport qui ne répond pas aux attentes. Malgré tout, nous, on a maintenu cette capacité de recevoir du train, et nos clients ont le choix de desservir le port par la voie ferrée, et je pense qu'on va enclencher une nouvelle ère où le transport ferroviaire va prendre un petit peu plus ses lettres de noblesse. Évidemment, donc, les accessibilités fluviales doivent être maintenues, mais je vous ai dit qu'on était dans un cadre avec une gouvernance qui est quand même assez bien ficelée, avec la Compagnie nationale du Rhône qui crée ses richesses, qui retire des richesses de l'exploitation du fleuve et qui du coup peut injecter de l'argent relativement facilement dans l'entretien des voies navigables. Le grand projet d'actualité dont je vous ai parlé, c'est l'aménagement du canal du Rhône A7, ou en tout cas l'agrandissement et l'approfondissement du canal du Rhône A7, où là, il y a des grosses opérations de recreusement, ou de, je ne vais pas faire d'erreur, mais en tout cas, il y a du dragage à faire et donc du matériau à retirer du fleuve, du canal. Aujourd'hui, quand on retire des matériaux comme ça, ils sont analysés. Si c'est pollué, c'est des coûts considérables pour retraiter ces matériaux qu'on ne se contentera pas de jeter sur la berge. Et évidemment, donc on lutte, on travaille à l'aménagement des accès routiers, avec donc ici un exemple assez singulier. Encore une fois, un convoi exceptionnel, mais c'est un exemple assez éloquent. On a un petit obstacle pour l'accessibilité routière. Je dis un petit, c'est que ça concerne vraiment des appareils ou des colis qui sont vraiment de grande taille, mais vous allez voir que ça a son importance. On a cette fameuse voie ferrée si importante qui est malgré tout un obstacle pour le transport routier. Et vous voyez ici, regardez ce colis qui a été fabriqué dans une usine d'Arles, les CMP, hein, qui est une grosse chaudronnerie qui vend des matériels de pression assez exceptionnel dans le monde entier. Nous, on a fait pour eux charger des appareils pour la Corée. Hein, donc on a des entreprises arlésiennes du territoire qu'il faut continuer à écouter et à suivre. Et donc du coup, cette trémie-là fait l'objet d'un projet qui est porté par la communauté d'agglomération de création d'un pont au-dessus de la voie ferrée pour être du coup complètement exonéré de toute contrainte de gabarit et répondre ainsi à la filière de la chaudronnerie lourde voisine, qui est juste de l'autre côté. L'usine doit être là. Le directeur de l'usine, quand il reçoit ses clients, il montre les grues du port en disant « Regardez, le port est juste à côté. » Mais bon, il y a ça. Voilà, donc là, je ne vous passe pas le film, parce que je pense que le temps a coulé, comme le Rhône. J'avais un petit film, c'est un colis de 450 tonnes qui a été fabriqué au CMP, et qui a été chargé dans ce navire fluvio-maritime pour aller jusqu'au Havre. Donc ça a pris le détroit de Gibraltar et s'est remonté jusqu'à au Havre dans la raffinerie de Total. Et donc sans l'existence du port, sans la capacité du port d'avoir des quais construits en bonnes conditions pour accueillir des grues de cette taille-là, la commande n'aurait pas été prise par cet industriel. Voilà, et rapidement, vous raconter un petit peu la genèse du dernier projet d'infrastructure qui a été créé, pour vous dire que c'est toujours un long parcours, parce que c'est quelque chose qui doit forcément être concerté pour être réalisé dans un espace fragile, hein, qui est un espace deltaïque, un espace fragile parce qu'il y a le côté environnemental, un espace sensible parce qu'il y a des risques inondations, hein, donc il y a des plans de prévention risque inondation qui donnent qui imposent de prendre un certain nombre de mesures. Et donc c'est des longs projets, puisque celui dont je parle, la genèse, c'est 2005, je vous l'ai montré tout à l'heure sur la courbe, impose une enquête publique, évidemment, des dossiers loi sur l'eau, hein, donc toute une démarche administrative locale pour réaliser un ouvrage qui soit conforme, avec des travaux qui finalement se réalisent entre 2012 et 2014 pour un programme de 7 millions d'euros. Donc là encore une fois, dedans évidemment il y a du plan Rhône, il y a aussi l'Union européenne et les collectivités locales qui interviennent, en plus de la Chambre de commerce et de la Compagnie nationale du Rhône qui en avait la maîtrise d'ouvrage. Mais bon, voilà, vous comprenez que ce type de projet est important pour notre activité, c'est notre objectif. Cela dit, on est dans un espace fragile, sensible, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une enquête publique, il y a une étude loi sur l'eau. On s'intéresse à tout l'ensemble des enjeux du fleuve, donc les espaces boisés, donc on est obligé de prendre des mesures compensatoires. Il y a un aspect fort ici qui est, je sais qu'il y aura des connaisseurs, il y a l'archéologie, hein, avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans le fleuve, il est clair que lorsqu'on va commencer à réaliser des dragages, qu'on va battre des pales planches, etc., on a créé une veille sur l'éventuel potentiel archéologique. Il n'y en avait pas. À ma connaissance, d'après ce que j'avais entendu dans l'enquête, il y avait plutôt ici, sur l'autre rive. Mais vous me direz si... Je vais m'arrêter là, parce que je ne suis vraiment pas expert, et des experts sont dans la salle, donc je ne vais pas prendre de risques. Voilà, donc il y a tout un tas de choses. On crée des quais. Il faut bien comprendre que lorsqu'on crée des quais, ben, c'est en quelque sorte quand même un obstacle à l'écoulement des eaux. Hein, donc tout ça, c'est mesuré, c'est calculé. Et pour revenir à la genèse de ce type de projet, c'est que c'est forcément réfléchi. C'est des choses qui sont lourdes. Et donc c'est lié à la concertation et à des choix. Vous voyez ici, on crée donc de toutes pièces un rempart. Donc on bat des pales planches. On crée des tirants qui sont repris sur un rideau d'ancrage dans la berge. Et ensuite... Hein, on comble avec des alluvions, hein, on utilise le matériau du dragage qui est incompressible, qui est un galet de bonne qualité, et donc on crée un remblai pour former ce quai. Je vous passe le film aussi, voilà ce que ça donne, hein, vu du fleuve. Donc on crée ce quai, et donc voilà le résultat. Donc après, voilà ce que ça donne. On crée une belle plateforme dans laquelle on va pouvoir stocker des conteneurs, répondre à la demande, à ce transfert modal. On a créé tout un système de collecte des eaux de pluie qu'on retrouve ici dans un bassin qui a été calculé, évidemment, hein, des études hydrauliques qui ont montré qu'il fallait qu'on soit capable d'intercepter 1600 mètres cubes. Et ensuite, par un système souterrain, on a un passage par un débourbeur des huileurs avant le rejet au milieu naturel. Voilà. Et donc c'est bien que la politique est au cœur, mais la vraie politique, de définir des zones dédiées à ce type d'activité. Donc il faut identifier ces espaces dédiés aux activités économiques en lien avec le fleuve, assurer l'accessibilité, et dans ces conditions-là, on va pouvoir créer les conditions du report modal. Et si on y ajoute des politiques incitatives, donc là je suis un petit peu ironique, puisque l'écotaxe, ben, on ne l'a pas faite, mais c'était pour nous une vraie décision politique qui pouvait faciliter le report modal. Dérogation 44 tonnes, ça a été alloué pour les chantiers multimodaux, donc pour autoriser des camions à transporter 44 tonnes sur une courte distance pour approvisionner un chantier multimodal. Un an après, le 44 tonnes a été généralisé à tout type de transport routier. Donc on a besoin de la puissance publique, évidemment, pour continuer notre activité. Et cette petite photo vous montre un petit peu, est assez éloquente, puisque depuis les quais du port d'Arles, et évidemment vous êtes tous invités à venir visiter, on a une vue exceptionnelle sur cette ville d'Arles qui est quand même assez magnifique, avec, vous voyez ici, les arènes. Et pourtant, depuis Arles, rares sont les observateurs qui voient le port. Donc on a une ségrégation, on arrive à réaliser un petit peu la séparation des genres, entre guillemets, tout en ayant une activité qui sert l'économie et qui sert éventuellement une idée qu'on pourrait se faire des échanges à l'échelle du territoire, avec un esprit un petit peu plus écologique que le tout-route. Voilà, merci, je suis à votre disposition. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais la journée doit être longue.